sortir à pied, pas en berline. On va pouvoir en laisser voir un peu plus haut que la bottine. Ah, que d'après de soins coquets, quel tracas pour la couturière. Enfin, c'est fait, elle paraît, la Parisienne armée en guerre. En la voyant, on devient fou. Tu le ressens là comme un choc, comme un choc, comme un choc. Ça rampe fait fou, fou, fou, fou, ses petits pieds sont tac, tac, tac. Ça rampe fait fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. Ça rampe fait fou, fou, fou, fou, ses petits pieds sont tac, tac. Ça rampe fait fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. Le nez au ventre, trottant, elle s'en va droit devant elle. En la croisant, chaque passant s'arrête et dit Dieu qu'elle est belle. Ce compliment, elle l'entend et suit son chemin toute fière, se balançant, se trémoussant, mais d'une façon particulière. En la voyant, on devient fou, il le ressent là comme un choc, comme un choc, comme un choc. Ça hop, fou, fou, fou, fou, fou, fou, ses petits pieds font tac, tac, tac. Ça hop, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. Ça hop, fou, fou, fou, fou, fou, ses petits pieds font tac, tac, tac. Ça hop, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. Les ingrats disent les pauvrettes, chez nous ne trouverait-il pas, chez nous on peut femmes honnêtes, des plaisirs bien plus délicats. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Moi, ce qui me décide à quitter le monde galant, c'est que ma bourse est vide, vide, vide que sans plus désolant. Or, on peut qu'on y réfléchisse, quand on n'a pas le sou pointu, il est temps de lâcher le vice pour revenir à la vertu. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Allons-y donc, et dès demain, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Repeuplons, repeuplons, repeuplons les salons du Faubourg Saint-Germain. Ce que c'est pourtant que la vie, j'étais l'amant de Métella. La coquine me plante là, ce que c'est pourtant que la vie. Je croyais l'aimer et voilà qu'en un quart d'heure je l'oublie. Ce que c'est pourtant que la vie, j'étais l'amant de Métella. Je fais conduire une suédoise à travers le monde élégant. Je me fais dire maintenant, je vais conduire une suédoise. Tâcher d'être amusant et de divertir ma bourgeoise. Je vais conduire une suédoise à travers le monde élégant. Si cette baronne est jolie, je sais où je la veux mener. Et cela peut se deviner si cette baronne est jolie. Je compte bien la promener dans le sentier de la folie. Si cette baronne est jolie, je sais où je la veux mener. Je sais où je la veux mener. La moderne Babylone. Laura vu, soyez-en sûr, dans ces murs étranges et mieux promenés, mieux guidés, pilotés, amusés, dirigés, hébergés, mieux lotis, divertis, réjouis, éblouis. Et pour cela vous paierez, et pour cela vous paierez, monsieur, monsieur, ce que vous voudrez. On vous paiera ce qu'il faudra. Oh, ne parlons pas de cela, et laissons là cette misère. Nous nous entendrons, je l'espère. On vous paiera ce qu'il faudra. Un pareil mot doit me suffire. Dites-moi maintenant, dites-moi, dites-moi, où je dois vous conduire, où je dois vous conduire. Moi je voudrais voir les théâtres, pas ceux où l'on s'embête, mais ceux où des actrices folâtres offrent au regard mille attraits. Soit monsieur, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment, nous irons là, oui, vous verrez tout cela. Je veux voir dans la capitale, voir les divans qui font fure, voir la patine dans vos passepoires, et Thérèse dans le sapin. Madame, oui, nous irons là et vous verrez tout cela. Et moi, vraiment, nous irons. Oui, vous verrez tout cela. Nous verrons tout cela. Nous verrons tout cela. Et moi, vraiment, nous irons là. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Ah, vous serez notre guide. Ah, vous serez notre guide. Vous serez notre guide. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide. Oui. Il est certaines choses que je voudrais voir. Parlons pas. Sur ce point, il faut et pour cause que ma femme n'entende pas. Ah, vous êtes un gros farceur. Ah, c'est en tout bien, tout honneur. J'ai deux ou trois courses à faire seule. Parlons grand, sur ce point, il est nécessaire que mon mari n'entende pas. La baronne me fait peur. C'est un tout honneur. Ne craignez rien, tout ira bien. Allez, allez, vous en verrez plus encore pour la pensée. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Notre guide, ah, ah, ah, vous serez notre guide. Vous serez notre guide. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout. Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous visiterons tout. Fleurissent aujourd'hui qu'une guerre parmi eux te revient encore des fois. Je suis venu déjà y avait de l'or dans ma vallée. Des diamants à ma chemise, combien adorer tout cela. Le temps d'avoir de 100 amis et d'aimer 4 ou 5 maîtresses, 6 mois de galanteuse ivresse. Et plus rien au Paris, Paris, en 6 mois tout m'a tout raflé. Et puis vers Mayenne, Amérique, tu m'as pauvre et mélancolique, délicatement remballé. Mais je brûlais de revenir et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec l'âge une autre fortune ou mourir. Et ne suis pas mort, et gagné tant bien que mal des sommes folles. Et je viens pour que tu me voles tout ce que la vaille est volée, tout ce que la vaille est volée, tout ce que la vaille est volée. Aïe, ah, je suis précisé, il y a de l'or et il arrive de Rio Jan. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens en. Je suis brésilien, il y a de l'or et il arrive de Rio Jan. Paris, Paris, Paris, Paris, je te reviens encore. Hourra, hourra, hourra, je viens de débarquer. Mettez vos fauches et vos cocos. Hourra, hourra, hourra, je porte à vos quenots. Una fortuna croquée. Les pigeons viennent plumer, plumer. Prenez mes dollars, mes banques. M'a montré mon chapeau, mes bottes. Et dites-moi que vous m'aimez. À moi les feux et les rires et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris qu'on me mène au bal d'Anières. Sachez-le bien seulement, car c'est l'âme à la tour. Bien planté pour mon argent, je vous le jure. Bien planté pour mon argent, bien planté pour mon argent. Venez, venez, venez. Dans cette ville toute pleine de plaisir, de joie et d'amour, dans cette ville souveraine, je ne ferai qu'un court séjour. J'y resterai 3 mois peut-être. Or 3 mois, c'est bien peu je crois. Trop peu quand on veut tout connaître. Aussi je veux danser 3 mois. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je m'en fourrai, fourrai, fourrai jusque-là. Mon père, un gentilhomme austère, tint ma jeunesse avec rigueur. Il ne comprenait rien, mon père, aux exigences de mon cœur. J'ai dû garder mon innocence jusqu'à mon mariage, mais je prétends prendre ma revanche. C'est le moment ou bien jamais. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Je m'en fourrai, fourrai jusque-là. Portez la lettre, mettez-la. Je m'en fourrai, fourrai, fourrai jusque-là. Tout à l'heure, il m'a pris pour me dire, où dois-je aller pour m'amuser. va-t-on chimérer-t-elle-là? Écoutez ma prière pour ce ville, ma chère, pour votre face, soyez bonne aujourd'hui. Prenez pour le séduire votre plus doux sourire, je vous réponds absolument de lui. Je vous le parle quand c'est un même, il reviendra par il va revenir. Promettez-la, faites qu'il se rappelle tout ce dont moi je l'aurai souvenir. En la saison dernière, quelqu'un sur ma prière, dans un grand bal chez vous me présenta. Vous souvient-il ma peine de celui qui s'appelle Jean Stanislas de Prosecco? Adroitement, pour assaisonner savamment, pour faire sauter les bouchons et pour offrir les cornichons, pour décocher à tout propos de très malins, de jolis mots. Je suis le seul dans cet emploi, nul ne peut lutter avec moi. Le major, partout de l'ondine d'une façon fine, paraît le major, paraît le major. Le major, partout où l'on joue, partout où l'on floue, paraît le major, oui je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, oui je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, je suis le major, le major. J'ai toujours après le dîner, pour amis qu'il faut cartonner, baccarat ou bien lansquenet, j'ai dans ma poche un jeu tout prêt. Mais c'est surtout à l'écarter que se joue ma dextérité, et pour faire tourner le roi, nul ne peut lutter avec moi. Je suis le major, je suis le major, partout où l'on dîne d'une façon fine, paraît le major, paraît le major. Je suis le major, partout où l'on joue, partout où l'on floue, paraît le major, oui je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, oui je coupe, je découpe, je fais sauter la coupe, je suis le major, le major.